Chapitre 26. Lettre de Mademoiselle Primrose. À l'heure du dîner, M. Dormer fit prévenir ses dames par Pélagie qu'on les attendait pour dîner. « Dîner ? » s'écria Mademoiselle Primrose. « Voilà qui est impudent, par exemple. Dîner avec lui et son coquin de fils. Attendez, je vais répondre à son invitation. » Elle prit une plume et écrivit. « Monsieur, votre nièce est très malade et ne dînera pas. Je me trouve aussi insultée que ma pauvre Geneviève. Il n'est pas dans nos usages que les victimes dînent avec leur bourreau. Cunégonde Primrose. » Elle cacheta et envoya la lettre. Monsieur Dormer la lut, fronça le sourcil et la passa à son fils qui rougit et la rendit sans mot dire. « Dites à Mademoiselle Primrose que je vais envoyer mon médecin à sa nièce. » 5 minutes après, il reçut un second billet ainsi conçu. « Monsieur, laissez-nous tranquille, je ne veux pas de médecin. Timéo Danaos et Dona Ferentes. Je crains les Grecs et leurs présents. Virgile, l'Énéide. » Cunégonde Primrose. Il n'y eut pas d'autre message. Mademoiselle Primrose disait vrai en écrivant à M. Dormer que Geneviève était malade. Elle refusa effectivement le dîner que lui servit Rame et que Mademoiselle Primrose et Pélagie la pressaient de manger. Mademoiselle Primrose le mangea seule, car l'indignation et le chagrin n'avaient pas diminué son appétit. Les 2 billets qu'elle avait envoyés à M. Dormer étaient, disait-elle, un commencement de vengeance. « Je n'en resterai pas là, il en verra bien d'autres. » Elle parlait, mais Geneviève n'apportait aucune attention à ses paroles. Elle souffrait de la tête et obtint, non sans difficulté, à la fin de la journée, que Mademoiselle Primrose la laissa seule avec sa bonne. La nuit fut d'une agitation affreuse. Vers le matin, Pélagie appela Rame, qui n'avait pas quitté la porte de sa jeune maîtresse, et lui demanda d'aller chercher le médecin. « L'agitation ne fait qu'augmenter, dit-elle. Elle a de la fièvre. Il faut absolument qu'on fasse venir le médecin. Louez un cabriolet dans le village, mon pauvre Rame, afin de ne pas déranger les gens et les chevaux de M. Dormer. Et ramenez avec vous le médecin, ce sera plutôt fait. » Rame jeta un regard douloureux sur sa jeune maîtresse et sortit avec empressement. 1 heure s'était à peine écoulée qu'il rentrait avec le médecin. « Monsieur Bourdon. « Mademoiselle Geneviève est malade, qu'a-t-elle donc ?» Pélagie. « Elle est bien malade, monsieur. Toute la nuit, elle a été dans une agitation qui m'a fait peur. » Monsieur Bourdon. « A-t-elle eu une frayeur, une impression violente ?» Pélagie. « Oh oui, monsieur, terrible, affreuse. Elle a été longtemps sans connaissance et elle n'a pas retrouvé de calme depuis. » Monsieur Bourdon lui tâta le pouls. « Une fièvre terrible, la tête est brûlante, elle a des mouvements nerveux. Parle-t-elle, vous reconnaît-elle ? » Pélagie. « Elle parle beaucoup, mais elle ne dit rien de suivi. Depuis quelque temps, elle ne semble pas me reconnaître. » Pélagie pleurait. Le médecin, qui était un brave homme, parut touché. Il examina encore attentivement la malade. Elle recommença ses paroles entrecoupées. Celle qui revenait le plus souvent était « Malheureuse, c'est ton Rame ? » Elle lui causait toujours un redoublement de sanglots et de gémissements plaintifs, puis elle criait. « Mon oncle, Rame, Rame en prison, chassez cet infâme, chassez-le, c'est un monstre, il ne parle pas, il veut me tuer. » Monsieur Bourdon, surpris de ces paroles incohérentes mais significatives, questionna encore Pélagie, dont les phrases embarrassées lui prouvèrent qu'il y avait un mystère qu'elle ne voulait pas lui faire connaître. Il restait fort incertain, ne connaissant pas la cause précise du mal et ne sachant quel remède y apporter, lorsque Mademoiselle Primrose vint à son secours. Elle avait entendu le bruit d'une voiture, elle avait reconnu la voix de Rame, et elle craignait que Geneviève ne fût plus mal. Apercevant le médecin, elle questionna Pélagie, qui lui raconta comment s'était passée la nuit et qu'elle avait jugé nécessaire d'avoir l'avis du médecin. Mademoiselle Primrose. « Pensez-vous qu'il y ait du danger, monsieur ? » Monsieur Bourdon. « Je ne puis encore rien dire, madame. Comme j'ignore ce qui a amené la maladie, je ne puis agir qu'avec la plus grande précaution, et, comme on dit, en tâtonnant. » Mademoiselle Primrose. « Comment Pélagie ne vous a pas raconté ?» Pélagie. « J'ai dit que mademoiselle avait eu une grande commotion, je n'ai pas cru devoir en dire davantage. » Mademoiselle Primrose. « Est-il possible de faire des mystères au médecin ? Heureusement que je suis là pour réparer votre discrétion exagérée. » Mademoiselle Primrose raconta alors à M. Bourdon tout ce qui s'était passé, depuis l'agitation du déjeuner jusqu'à la terrible accusation et la menace qu'avait formulée M. Dormer, dont elle flétrit avec animation l'odieuse conduite. Sans accuser directement Georges, elle parla de lui comme d'un misérable, digne de tout mépris. Elle ajouta que M. Dormer voulait lui faire épouser sa nièce, mais que Geneviève n'y consentirait jamais, vu qu'elle le détestait et le méprisait profondément. M. Bourdon tira du récit de Mlle Primrose une conclusion peu favorable à Georges et à M. Dormer. Peut-être soupçonna-t-il ce que Mlle Primrose avait deviné, mais il n'en laissa rien paraître. Il remercia Mlle Primrose de sa confiance et lui promit la plus grande discrétion. Mlle Primrose. Je ne vous demande pas du tout la discrétion que vous me promettez. Parlez, racontez, commentez, ce sera pour le mieux. Monsieur Bourdon. Mais madame, peut-être que cette histoire ébruitée ferait quelque tort à Mlle Geneviève. Mlle Primrose. Tort à Geneviève? Elle est assez connue pour ne pas craindre qu'on l'accuse d'une chose aussi ridicule que favoriser le vol d'un bon et fidèle serviteur comme Ram. Personne ne croira qu'un ange comme elle, qui a 80 000 livres de rente, qui est charmante, qui a plus d'argent qu'elle n'en a besoin, qui a été élevée par moi, fasse la sottise de laisser voler son oncle, et si bêtement encore. Il faut être imbécile comme M. Dormer pour faire une supposition pareille. Vous comprenez maintenant, docteur, la terrible impression qu'elle a dû ressentir. Voyez ce que vous avez à faire. M. Bourdon. Je vais lui prescrire une potion calmante, et si ce moyen innocent ne suffit pas, je la saignerai avant dîner et vous lui mettrai des sinapismes aux pieds. M. Bourdon écrivit une ordonnance, recommanda qu'on donnât de l'air, qu'on entretînt de l'humidité à la tête au moyen d'eau fraîche, et qu'on lui donnât de l'eau froide pour toute boisson. Ram ramena le médecin chez lui et alla prendre chez le pharmacien la potion prescrite.